Il est 18h sur Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du 14 janvier 2026. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous recevons aujourd'hui Caroline Costil des archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne et Jean-Michel Stenner, historien stéphanois, très connu sur nos ondes, pour une émission consacrée à un projet particulier du mandat de Louis Soulier en matière d'offres culturelles municipales, la construction d'un palais du peuple. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour Michel. Alors Caroline, Jean-Michel, peut-on dire qu'en janvier 1936, Saint-Étienne est une ville sans théâtre ? Bien, une ville sans théâtre, mais une ville qui a une municipalité, qui a des projets. On est dans le contexte du Front populaire. Une municipalité a été élue. Nous avons parlé de cette municipalité au cours d'une émission qui remonte au 14 mai 2025, qui s'intitule « Quand la gauche unie remportait les élections municipales à Saint-Étienne ». Donc cette municipalité de Front populaire, elle s'inscrit dans un contexte qui est celui de la montée de cette gauche unie qui va triompher aux élections législatives de 1936. Et pour la première fois, un gouvernement a un véritable projet politique culturel. Et c'est dans ce contexte que on va, Caroline, parler de ce qui est de ce qui va devenir le Palais du Peuple. Mais ce palais s'inscrit d'abord dans un contexte particulier, comme l'a dit Karine, d'une ville sans théâtre. Alors, en effet, pourquoi ce projet de Palais du Peuple ? Eh bien, pour comprendre la genèse de ce projet, il faut d'abord revenir dans un premier temps sur l'histoire du théâtre en termes de bâtiments à Saint-Étienne. En effet, dans notre ville, la question du théâtre est une question épineuse. On a un public qui est demandeur, mais les moyens manquent. Faute de moyens, on opte au XIXe siècle pour une solution provisoire. Donc le 6 janvier 1853, après examen de plusieurs autres solutions, eh bien la municipalité va confier à Ex-Braillat l'exécution d'un théâtre, toujours à titre provisoire, mais selon un projet qui a été adopté en novembre 1851. La ville va donc se doter d'une salle de 1300 personnes qui mesurait à l'époque 28 mètres par 36. Elle est achevée en un temps record et inaugurée le 22 décembre 1853. Ce théâtre Massenet, Jean-Michel... Pourquoi si rapide ? C'est étonnant quand même cette rapidité. La construction de ce théâtre est rapide. Parce que ce n'est pas une construction de qualité, c'est un théâtre qui est fait en bois. En bois. Il n'en demeure pas moins que ce théâtre est extrêmement populaire et les subventions municipales sont généreuses pour le faire vivre. Cette solution, malgré tout, ne satisfait pas tout le monde et notamment ne satisfait pas le public. Donc, dès la fin... C'est fâcheux, ça. C'est quand même très embêtant. Dès la fin du 19e, le public va réclamer l'ouverture d'une salle digne d'une grande ville qu'est Saint-Étienne à l'époque. Mais le provisoire perdure et l'échec d'une construction plus solide, place royale, c'est-à-dire sur l'actuelle place du peuple, échoue. Pourtant, les pétitions continuent à réclamer un grand établissement théâtral sur la place des Ursules, à l'emplacement de ce théâtre provisoire. D'ailleurs, ce théâtre, Ex-Braillat, qui avait la charge de la réfection du quartier d'Ego, c'est-à-dire autour de l'actuelle cour Victor Hugo, en avait préparé le projet. Le théâtre donc était prévu avec l'intention de raser un pâté de maison à l'angle sud-ouest de la place, mais les chansons populaires de l'époque ne manquent pas de souligner la mauvaise qualité de l'édifice. Tout à fait, puisque la chanson dit « Notre théâtre est en carton, la faridondaine, la faridondon, enfin on se distrait ici, biribi ». Alors, effectivement, les Stéphanois ont conscience que ce théâtre est en carton. Les artistes de passage eux-mêmes s'étonnent de la mauvaise qualité du bâtiment. On peut dire que ce théâtre dédié à Massenet est un colosse fragile. Sa démolition est d'ailleurs envisagée à plusieurs reprises. En 1896, d'ailleurs, on le juge comme précédemment, beaucoup trop petit pour une ville comme Saint-Étienne. Il est à cette époque-là en très mauvais état. Les murs sont noircis par la poussière de charbon, mais ça, c'est le cas de tous les bâtiments stéphanois. Des colonnes s'effondrent. Il souffre d'un affaissement général. Ah ben, quel tableau! Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Alors, c'est à cette époque-là, 1896, que... un maire qu'on pourrait classer aujourd'hui de droite, qui s'appelle Louis Chavanon, est élu et il va demander à la Mézière, qui a remplacé Ex-Braya comme architecte de la ville, hein, architecte en chef de la ville, de restaurer le théâtre pour un peu moins de 100 000 francs. La Mézière va replâtrer l'édifice et en améliorer l'acoustique. Mais il faut aussi rappeler que c'est à cette époque que Chavanon a demandé à la Mézière des plans pour une construction digne de la ville de Saint-Étienne. Et là, le projet va se déplacer vers le sud, c'est-à-dire derrière les Halles, puisque ça va devenir la Bourse du Travail. Donc il faut rappeler que ce bâtiment qu'on appelle la Bourse du Travail aujourd'hui, qui n'est pas du tout une Bourse du Travail, puisque c'est un bâtiment qui était affecté autant aux mutuelles qu'aux syndicats, eh bien, a été conçu d'abord comme un bâtiment pour un théâtre, ce qui explique qu'il ne soit pas très fonctionnel pour une administration syndicale. Alors, en effet, on a donc ce théâtre qui est en très mauvais état, et ce qui devait arriver arriva, ce théâtre... provisoire, eh bien, va être détruit par un incendie la nuit du 16 au 17 février 1928. Je crois que ce n'est pas le premier incendie. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des démarrages d'incendies qui ont été arrêtés. Mais celui-là, il va... C'est l'incendie fatal. C'est l'incendie fatal. L'édifice s'embrase et est détruit en une quinzaine de minutes. La toiture s'effondre, puis la corniche de la façade vient s'écraser sur la verrière. Et enfin, la façade tombe. Qu'est-ce qu'on dit de ce théâtre ? Eh bien, c'est fini. Le vieux théâtre n'est plus. Il n'est plus, hélas, qu'un amas de ruines encore fumantes. Que d'illusions encore fumantes. Que d'illusions s'en vont ici. Nous enveloppions ce vieil immeuble branlant d'un amour jaloux. Il nous procurait bien des émotions d'art. Et maintenant, c'est fini. On a donc... un théâtre qui est parti en fumée, qui s'est effondré. Et là encore, les chansonniers stéphanois s'en donnent à cœur joie, n'est-ce pas Karine ? Tout à fait, puisque la chanson dit « Il avait l'air si bien portant, derrière sa façade débonnaire, que l'on était fier et content de le voir bientôt centenaire. Hélas, un sinistre émouvant, ce beau rêve nous fit descendre. Notre vieux théâtre n'est plus que cendre. Demain l'emportera le vent. » Donc, on voit que malgré cet état délabré, s'il en est, malgré les ruines de ce théâtre, eh bien, les Stéphanois regrettent la destruction du théâtre où ils venaient se distraire. Et quelque part... ils ont bien raison, puisque Saint-Étienne va désormais rester, devenir une ville sans théâtre. Pour 50 ans. Pour 50 ans. 40, jusqu'en 1968. Oui, ça fait 28, 40. C'est ça. Pour une quarantaine d'années, Saint-Étienne est donc une ville sans théâtre. Ce théâtre va manquer puisque les Stéphanois les plus aisés venaient en semaine, tandis que les ouvriers fréquentaient le théâtre plutôt les week-ends. Ils avaient l'habitude d'apporter leur casse-croûte dans le poulailler, et cette tradition du casse-croûte, elle va perdurer à l'Eden Théâtre, puisque au moment où le théâtre s'embrase et est détruit par l'incendie, eh bien, va se poser quand même le problème de la saison municipale lyrique et de l'endroit qui pourra accueillir cette saison. Donc deux options s'offrent à la municipalité, soit choisir l'Étoile Théâtre qui se trouve place Badouillère, soit l'Eden Théâtre qui lui est rue Blanqui. Place Badouillère vient juste d'être rebaptisée Anatole France. En fait, exactement. Je me demandais si c'était la rue de la Croix, la rue Blanqui. Non, la rue Blanqui. À l'époque. Donc, Eden Théâtre ou Étoile Théâtre. Finalement, c'est l'Eden Théâtre rue Blanqui, à deux pas de l'Hôtel de Ville, qui va accueillir la saison lyrique depuis 1929 jusqu'en 68. Donc, pour 40 ans, c'est l'Eden Théâtre qui va devenir, en quelque sorte, le théâtre stéphanois. Ce qui va poser problème, c'est la question de la subvention, puisque le conseil municipal, dès l'automne 29, va accorder une subvention de 200 000 francs à l'Eden Théâtre, avec l'obligation d'organiser 70 représentations d'opéra ou d'opérette. Et cette subvention suscite des protestations qu'on peut retrouver dans la presse, puisque durant toute l'année 1929, la presse, toutes tendances confondues, est émaillée d'articles sur la reconstruction du théâtre. Et un titre revient très souvent tout au long de cette année, et quelle que soit la tendance, encore une fois, c'est la question du théâtre. C'est-à-dire que cette question du théâtre devient vraiment un enjeu dont on débat dans la presse. Chacun s'érige en conseiller en urbanisme, à l'image du groupement commercial et industriel du Centre Nord, qui suggère de raser le restaurant populaire de la place Carnot pour y installer une salle de spectacle. L'avantage, dit ce groupement commercial, de cet emplacement, l'avantage de cet emplacement consistait notamment en ce qu'il ne comporterait aucune expropriation. Aucune expropriation, en effet, Jean-Michel. Le restaurant populaire, c'est quand même une fonction sociale non négligeable. Tout à fait. Voilà. En tout cas, on n'a plus de théâtre et on cherche des solutions. Très bien. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour parler, de ce nouveau théâtre. Allô, allô, James, quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise qu'on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, allô, allô, ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle ? Ma jument grise, morte aujourd'hui ? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplorait tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô ? Allô ? Allô, allô ? Pascal ! Quelle nouvelle ? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ? Cela n'est rien, madame la marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va bien, hein? Allô, allô, allô, allô, allô, Lucas, quelle nouvelle! Notre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Vous êtes bien sur Radio Dio dans l'émission du Grémos et nous venons d'écouter « Tout va très bien, Madame la Marquise » de Paul Mizrahi. Et nous retrouvons tout de suite nos invités, Caroline Costil et Jean-Michel Stenner, pour l'émission d'aujourd'hui dédiée au projet du Palais du Peuple. Alors, en effet, comme dans la chanson, il est question d'incendie à Saint-Étienne. Cet incendie qui détruit le théâtre, eh bien, finalement, on va l'oublier assez vite parce que on va chercher très vite à reconstruire ce théâtre. Le conseil municipal envisage alors un édifice deux fois plus grand que le précédent, dont la façade principale donnerait sur la place des Ursules. Le 26 novembre 1928, eh bien, Louis Soulier, qui est maire à l'époque, annonce que le théâtre sera bientôt reconstruit. Antoine Durafour, quant à lui, pense qu'un théâtre pourrait être réouvert en 31 seulement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Louis Soulier et Antoine Durafour vont s'affronter sur la question de la reconstruction du théâtre. En 1929, eh bien, les choses changent un peu, puisque Louis Soulier, alors sénateur-maire, semble moins pressé et envisage d'abord l'embellissement et l'assainissement de la ville, ce qui correspond tout à fait au projet d'urbanisme dont tu nous parlais, Jean-Michel. Il lui importe en effet peu que le théâtre soit reconstruit, peut-on lire dans les colonnes du mémorial le 29 décembre 1929. Louis Soulier affirme lors du conseil municipal de décembre 29 que le plan d'embellissement de la ville est en contradiction avec le projet de construction d'un théâtre du député de la Loire. Je voudrais juste signaler qu'effectivement c'est une époque où le gouvernement, sous l'influence d'un ministre qui s'appelle Cellier, demande aux grandes villes de faire un véritable plan d'urbanisme. C'est, jusque-là, les villes se développaient un peu de façon anarchique. Oui, c'était le cas à Saint-Étienne. Alors, voilà. Il y avait eu Dalgabio, mais... Voilà. Donc, c'est à ça que fait allusion Louis Soulier quand il dit le plan d'embellissement en tant que contradiction avec le projet de construction d'un théâtre du député de la Loire, puisque le député de la Loire, c'est Durafour, puisque ce plan d'embellissement, il aurait dû normalement prévoir un tracé dans l'axe de l'avenue de la Libération, qui s'appelait à l'époque avenue Président Fort, jusqu'à l'avenue Émile Loubet. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'abattre le vieux centre. Une bonne partie du vieux centre. Et ça a été arrêté, bien sûr, par les amis du patrimoine. Alors, Durafour, tu le dis, à un autre projet. Surtout ce qu'il y a, ce que Durafo est extrêmement. Il est pressé. Il veut, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il veut que ce théâtre soit reconstruit vite. Et il titille un peu. Soulier. Alors jusqu'en 29, il est pas. De 25 à 29, il n'est pas au conseil municipal, mais il est de nouveau élu en 1929. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à le houspiller. Et ça fait partie des éléments qui vont conduire à la crise de 1930. Donc en effet, Durafour, ancien ministre du Travail, persiste dans son idée, de, comme tu le disais Jean-Michel, de reconstruire le théâtre dans le plus bref délai avec le minimum de dépenses. Et ce n'est qu'en 1932, alors qu'en 1932 que va être organisé un concours d'architectes, pour le nouveau théâtre, et vont participer à ce concours eh bien Tony Garnier et trois architectes parisiens qui sont Sébilliotte, Marie et Malière. Donc on a deux projets différents dont on conserve en fait les archives. Le projet de Garnier est conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon, et le projet des trois architectes parisiens est conservé aux archives municipales de Saint-Étienne. Et tout va un petit peu se cristalliser avec les élections de 1935, remportées par la liste conduite par Louis Soulier. Oui, alors je disais tout à l'heure, j'étais un peu coupé, excuse-moi, mais que le projet est un peu suspendu parce que Durafour meurt le 25 avril 1932. Et c'est Alfred Vernet qui prend sa place comme premier adjoint. Et il n'a pas la capacité politique qu'avait Durafour pour porter le projet plus avant que ça. C'est donc quand Louis Soulier, qui s'était disputé avec Durafour, il y a eu la fameuse élection de 1930 où il s'était donc affronté, Louis Soulier revient aux affaires en 1935. Avec une municipalité de Front Populaire, des socialistes, mais surtout des communistes, avec lui. Et il reste maire de mai 1935 jusqu'à sa mort en septembre 1939. La question du théâtre était inscrite dans tous les programmes aux élections municipales de 1935, parce qu'effectivement, là, tu l'as dit tout à l'heure, la population stéphanoise est très attachée à ce théâtre. Et ça énerve. Une vraie demande. Ouais. Voilà. Alors, le projet de 1929 devait, pour ainsi dire, métamorphoser Saint-Étienne. Il devait rajeunir et assainir le quartier des Ursules et celui de la Grenette. Il aurait prolongé l'avenue du Président Fort jusqu'au théâtre. Abandonné justement à cause des lenteurs d'exécution qu'il comportait, il fut remplacé en 1930 par un nouveau projet d'une exécution plus rapide mais plus restreinte. Élargi puis abandonné, ce projet fit place à un autre prévoyant la construction d'une salle d'audition sur la place Carnot, tu en as parlé tout à l'heure. Le dossier soumis à l'approbation préfectorale nous est revenu il y a seulement 5 jours. Donc ça, c'est ce que dit Soulier quand il présente pour la première fois le nouveau projet, avec des exigences équivalentes à un refus formel. Il faut donc préparer un nouveau projet, et à partir de 1936, il y a une commission qui travaille à ce nouveau projet, en partant des projets élaborés à l'époque de Durafour. Notamment le projet de Sébilliotte, Marie et Malière. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, puisque ce théâtre doit, comme on l'a dit, s'inscrire véritablement dans le plan d'urbanisme. Et cette municipalité de Front Populaire va mener une véritable politique de grands travaux dans un contexte, malgré tout, de crise. Oui. Oui, mais en même temps, c'est aussi parce que les conseillers communistes le disent beaucoup, ça va donner du travail aux chômeurs. Tout à fait. Cette politique de grands travaux va être matérialisée par un document que l'on conserve aux archives municipales, qui est le projet d'aménagement et d'embellissement. Le projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville sous les auspices de Monsieur Louis Soulier. Donc la réalisation de ce plan d'urbanisme est confiée à deux architectes, Letellier et Hure, qui sont bien connus à Saint-Étienne. Ce projet a une dimension globale qui révèle une réflexion urbanistique et il intervient dans plusieurs domaines. Il va intervenir en matière de voirie, au niveau du sport et des loisirs, mais aussi dans le domaine médico-social et évidemment culturel, puisqu'il va être question du théâtre. Pour ce qui est de la voirie, eh bien, on note deux grands projets. Celui de la rue Roanel, qui est l'actuelle avenue Émile Loubet, où l'idée est de transformer cet endroit de la ville en un quartier clair, aéré et propre. Ça en dit long sur l'état de la ville à l'époque. Ce quartier de Taudy. Qui est dénoncé notamment par Alice Champmès dans une série d'articles en 1927, dans Cri du Peuple. Tout à fait. À côté de cette rue Roanel, eh bien, il est question de l'aménagement du cours Gustave Nadeau avec l'objectif de l'ouvrir à la circulation pour un coût de 700 000 francs. Un projet toujours en termes de voirie, mais un peu moins important. Au niveau de l'usine à gaz, eh bien, on pense à la création de trottoirs sur les terrains qui étaient les terrains de cette ancienne usine à gaz. Et on commence aussi des essais en termes d'éclairage public au mercure et au sodium. Donc on voit qu'on a quand même vraiment un souci d'améliorer... Je dirais qu'on a du retard aussi. Et du retard. Parce que l'éclairage, bon, il y a des villes qui sont beaucoup plus en avance. Et je me permettrais de signaler que l'aménagement du cours Nadeau nous montre quand même qu'on est à l'époque, les mines de Villeboeuf viennent de fermer, 1929, et on est à l'époque où encore l'emprise de la mine est absolument considérable sur la ville. Oui, oui. Et notamment au niveau du cours Gustave Nadeau et de ce qu'est aujourd'hui la place Villeboeuf. Concernant le sport et les loisirs, eh bien, on envisage un stade à la terrasse, une piscine sur les terrains appartenant à la ville et laissée libre par le départ du régiment de dragons. Donc c'est ce qui deviendra la piscine de Grouchy. Mmh. Hein. Et encore un projet assez emblématique que l'on connaît encore aujourd'hui, qui sont les jardins de la place Raspail, avec la création donc de jardins d'enfants, de travaux. Les travaux donc sont réalisés entre février et septembre 36, et tu le disais, on est dans un contexte de crise, et ces travaux permettent l'embauche de chômeurs, puisque ce sont des chômeurs qui vont réaliser le terrassement et la maçonnerie de ce jardin Place Raspail. Ce jardin a coûté 200 000 euros à la municipalité. 200 000 francs. 200 000 francs, pardon. Oula, si je reviens sur les projets en termes médico-social, je ne sais pas trop comment il faut les appeler. On prévoit effectivement une crèche dans le quartier du Soleil. Qui sera construite et détruite au moment du bombardement en 1944. Ah oui. Et on envisage aussi la construction d'un institut d'hygiène cette construction est confiée aux architectes Martin et Boulin. Cet institut devrait réunir le service d'hygiène municipal, la clinique scolaire, ainsi que le laboratoire de chimie municipale. Cet institut est envisagé sur l'avenue Émile Loubet, à l'angle de la rue du Mont d'Or. Et enfin, dernier grand projet, c'est la construction de ce qu'on appelait à l'époque l'aérogare de Boutéon, pour un coût de 200 000 francs. Enfin, tout coûte 200 000 francs. Tout coûte 200 000 francs. Y compris la saison à l'Éden. Exactement. C'est un prix de gros, quoi. C'est ça. Et donc, ces projets donc, que tu as évoqués, Caroline, notamment le théâtre, bien sûr, le Palais du Peuple, mais aussi la crèche et la construction de l'Institut d'hygiène, ils sont présentés, c'est un des documents qu'on a utilisés, dans le Cri du Peuple, dans un article publié au début de janvier 1937, Le Cri du Peuple, qui est le journal communiste, qui suit de près les projets, et notamment un des conseillers municipaux communistes, qui est un instituteur qui s'appelle Albert Doulmazon, qui met en exergue ses projets et les fait un peu les mains parallèles avec ce qui a été réalisé dans les municipalités communistes de la banlieue parisienne. Donc il y a vraiment une volonté de mettre ce projet dans un ensemble beaucoup plus vaste. Donc aujourd'hui, dit l'article, Saint-Étienne n'est pas adapté aux besoins de la vie moderne, et s'il n'y était porté remède, les plus grandes conséquences en résulteraient pour son avenir. Une politique de grands travaux, Saint-Étienne, grande ville industrielle, capitale du puissant bassin houiller de la Loire, ne possède pas l'équipement urbain correspondant à son activité et à son importance. La rapidité de son accroissement pourrait en être la raison. Alors, à côté de cette politique de grands travaux, dit l'article, la municipalité doit en premier lieu lutter contre la misère. Un problème plus urgent et qui appelle les plus grands efforts. Ce n'est pas l'article qui le dit. C'est la manière dont Soulier se défend de ne pas s'intéresser de manière urgente à la question du théâtre parce que lui souhaite s'intéresser à un problème plus urgent qui est la question de la misère. D'accord. Mais c'est, finalement, ça va être le débat permanent. Ouais. Ça a déjà été le débat avec Durafour. Est-ce qu'on investit pour la bourgeoisie ou est-ce qu'on investit pour les enfants de la classe ouvrière avec le problème effectivement de la misère qui pèse à Saint-Étienne. Et donc Louis Soulier dit un problème plus urgent et qui appelle les plus grands efforts devait passer au sens de l'administration municipale actuelle au premier plan la lutte contre la misère, contre le chômage, redonner enfin à Saint-Étienne toute son activité, telle est messieurs la tâche que nous nous sommes d'abord imposée. Voilà, c'est la manière dont Louis Soulier se justifie de laisser un peu le théâtre au second plan. Voilà. Et il se replie derrière le plan d'embellissement de la ville quand il dit la commission. C'est le moment où la commission va se siéger en janvier 1936. Cette commission soumet à l'administration un projet grandiose, digne de l'importance de Saint-Étienne, première cité ouvrière de France. Il consiste à construire un véritable palais du peuple comportant à côté de la salle de spectacle des annexes telles que des salles d'audition et d'exposition. Ce projet était étroitement lié au plan d'embellissement de la ville. Donc on y revient. Tout à fait. Ouais. On va faire une petite pause musicale et on revient juste après pour vous parler de ce palais pour le peuple. Acte 1, scène 1, unité de temps, unité de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous tes yeux. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers. Ils te souhaitent pas une tragédie, ils préfèrent que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Tu regardes autour de toi les projecteurs, les premiers rangs, les gens qui te donnent la réplique et puis les autres, les figurants. Tes parents ont écrit le début, mais tu vas vite réaliser que pour la suite c'est entendu, tu vas devoir improviser. Et puis trouver les bons dialogues, dans ce premier acte tu es bavard. Ce ne sera pas une pièce d'auteur mais du théâtre de boulevard. Alors ton histoire défile sous la rumeur des spectateurs. Ton personnage perd l'innocence, t'essaies de rester à la hauteur. Face aux premières piques de l'intrigue, face aux premiers mauvais accords, derrière les apparences bien lisses tu découvres l'enfer du décor. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion, et qu'à la fin les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Alors de cours à jardin, maintenant tu fais les 100 pas. Tu côtoies les bons comédiens et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, ingratitude du deuxième acte. Tu l'as compris sur les planches, c'est la cour de création. Dans toutes les situations, tu dois faire preuve d'adaptation. Dans un monde où le prévisible perd souvent le contrôle, le bon comédien est celui qui sait jouer tous les rôles. Et c'est là qu'intervient celle qui donne du sens à ta pièce. Sous les feux de la rampe, ta prétendante met tes attentes en liesse.

qu'il faut un projet ambitieux pour obtenir le soutien de l'État. C'est pour cette raison que le terme de palais du peuple a été choisi. Oui, parce que Louis Soulier est élu en mai 35, mais quand le projet commence à prendre forme, on est au début 36, il va y avoir l'élection du Front populaire, et le Front populaire, et j'ai dit tout à l'heure, je crois, est un gouvernement qui, le premier gouvernement qui a une véritable politique culturelle portée par le ministre Jean Zay. Et il propose aux villes qui ont des projets ambitieux de les aider, de les soutenir, à condition que ce soit effectivement des projets qui ne soient pas simplement concentrés sur le théâtre, particulièrement à Saint-Étienne, c'était plutôt le théâtre lyrique, la comédie, enfin pas la comédie musicale, mais l'opéra, les opérettes. Les opérettes, voilà. Et, mais quelque chose qui propose aussi du théâtre vivant et de la musique. De chambre, oui. et puis de la danse éventuellement aussi. Donc quelque chose de beaucoup plus large, qui est un peu la préfiguration de ce que vont devenir dans les années 60 les maisons de la culture. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce terme de palais, puisque Louis Soulier tient à appeler son futur théâtre le Palais du Peuple. Ce terme de palais est aussi celui qui a été choisi à Villeurbanne lors de l'édification du Palais du Travail en 1934, sous la municipalité socialiste de Lazare Goujon. Ce palais du travail constitue à Villeurbanne la première pièce du nouveau centre-ville qui deviendra le quartier des gratte-ciels qu'on connaît aujourd'hui. C'est un palais conçu par un architecte alors inconnu qui est Maurice Leroux. Et ce palais du travail, c'est un palais multifonctionnel qui regroupe plusieurs espaces entièrement dédiés aux travailleurs, dispensaires d'hygiène, brasserie, cercle coopératif, piscine, salle de spectacle et salle de réunion. Ah, on y est, c'est exactement ça. Et c'est ce modèle que Jonzet veut développer dans les grandes villes de France. Et la commission extra-municipale, donc, qui est une commission consultative pour l'édification d'un palais du peuple, avec salle de spectacle et d'audition, chargé de statuer sur le projet de Palais du Peuple, présidé par Maître Le Griel. Elle se réunit pour la première fois le 31 janvier 1936 et va travailler jusqu'en octobre 1937 à une fréquence de 3 réunions par an. Je rappelle que Le Griel est un des fondateurs dans la Loire du Parti communiste avec Ferdinand Faure, qu'il est membre du Parti communiste jusqu'en 1932, qu'il en a été exclu parce qu'aux législatives de 1932, il s'est présenté alors que le parti ne voulait pas le présenter. Il avait été plusieurs fois candidat en 24, en 28. Et donc il a été exclu, mais il est toujours très proche du Parti communiste. Et il est élu dans le conseil municipal de Soulier sous l'étiquette Parti d'unité prolétarienne, qui est un parti qui a été fondé par des dissidents du PC au début des années 30. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu de qui est composée cette commission extra-municipale ? Donc Le Griel, on l'a dit. Oui. Alors, dans cette commission municipale, qui est assez étoffée, mais on va mettre en évidence 3 ou 4 noms. D'abord Edmond Mora, c'est intéressant parce qu'il était directeur du conservatoire, et il a été directeur du conservatoire depuis 1909. Et il a fait de ce conservatoire un des meilleurs de la province, en dehors de Paris. Et je rappelle d'ailleurs que la place du Platon s'appelle aujourd'hui la place Edmond Mora. Et toute proche du conservatoire. Voilà, derrière le conservatoire. Deuxième indicateur intéressant, une femme, Madame Catalan, professeure au conservatoire. Louis Soulier, d'ailleurs, s'empresse de faire remarquer qu'une femme est consultée pour les affaires municipales. Je rappelle que c'est aussi dans le gouvernement de Léon Blum, il y a 3 femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles sont sous-secrétaires d'État. Et enfin, troisième personne intéressante, Jean Tenant, qui n'est pas du tout de gauche, qui est même plutôt d'extrême droite, hein, très proche de l'Action française, qui est le critique théâtral du Mémorial. La presse est très associée, hein. Il y a des membres de la Loire républicaine, de la Tribune républicaine. Et donc, Maître Le Griel ouvre la séance en disant « Quand on parle de la construction d'un théâtre, entendons-nous bien, je crois que tout le monde est unanime à demander un théâtre qui soit en quelque sorte le temple de l'art, le palais de l'intellectualité. » Alors c'est intéressant parce qu'il y a le palais du travail, il y a le palais du peuple, il y a le palais de l'intellectualité, il y a différents champs qui sont, selon les personnalités, qui sont envisagés quand même. Tout à fait. Alors, tu nous parles de la construction du... Alors, cette construction, eh bien, de cet immeuble de l'art s'impose, mais il y a des gens qui font des critiques et qui disent « Et si nous ne pouvions pas faire... fonctionner le théâtre, parce que construire un théâtre, ça revient en quelque sorte à construire un bâtiment, mais le faire fonctionner, ça veut dire bâtir une saison culturelle, oui, puis avoir du personnel, et avoir du personnel, être capable de rémunérer tous les gens qui vont participer au fonctionnement de ce nouvel équipement. Et il est donc indispensable pour Louis Soulier et pour Le Griel également, que la ville se dote d'un local pour abriter les troupes de passage. Nous devons aussi, dit-il, créer un asile pour toutes les manifestations intellectuelles. Il est un fait à retenir, c'est que si nous n'adjoignons pas des salles d'audition à la salle de spectacle, nous ne pourrons escompter aucun concours gouvernemental. Pour avoir ces concours, nous voulons construire non seulement un théâtre, mais ce que nous appelons d'un nom un peu pompeux, le Palais du Peuple. Là, on touche encore une fois du doigt la question de... Bon, c'est intéressant, il trouve pompeux l'appellation le Palais du Peuple, mais pas pompeuse l'appellation le Palais de l'intellectualité. C'est ça. Mais en fait, construire un Palais du Peuple, ça veut dire avoir un concours gouvernemental et donc des fonds gouvernementaux. C'est ça que ça signifie. Donc, un peu pompeux, oui, mais dans l'air du temps. Alors, le programme... rappelle les réalisations du socialisme municipal en Europe du Nord. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les palais du travail plutôt que les palais justement du peuple, notamment en Belgique, et le palais du travail de Villeurbanne. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce palais? On a des esquisses hein, qui sont très belles, qu'on mettra peut-être sur le site. Oui. Donc, alors, qu'est-ce la qu'on... description. Qu'est-ce qu'on imagine? Eh bien, on imagine un théâtre de 2000 places. Excusez du peu. Ainsi qu'une salle de musique de 700 places. Une salle de conférence de 300 places. Et une galerie d'exposition. Une maison de la culture. Tout à fait. Et donc, ce mastodonte, ça c'est Gérard Thermot qui le dit, s'élèvera sur l'emplacement du marché de la ferraille, orienté dans l'axe de l'avenue du Président Faure, avec les sorties Place Grenette et Place des Ursules, comme on peut le voir sur le dessin qu'on mettra en ligne sur le site du Grémos. On envisage également un toit-terrasse au-dessus de la grande salle, permettant l'installation d'un théâtre de plein air. Donc, vous voyez quand même que le projet va loin. Hein, C'est très complet. À côté des descriptions faites pour la commission extra-municipale, évidemment, la presse donne son avis et le Cri du Peuple décrit les coulisses dans son édition du 29 avril 1937. Et il dit, au Palais du Peuple, on lit dans les colonnes du Cri du Peuple, eh bien... au Palais du Peuple se jouera aussi bien la comédie que l'opéra comique, la revue à grand spectacle que le grand concert. Le but à atteindre était donc de répondre aux exigences particulières de chacun de ces spectacles et de permettre aux metteurs en scène de réaliser leur conception variant à l'infini. Finalement, ce Palais du Peuple et cette scène est conçu comme un laboratoire à illusions Et comme tous les laboratoires, la scène doit donc être organisée scientifiquement, dans ses moindres détails et pourvue d'une machinerie, robuste et sans défaillance, aussi complète que possible. Alors, concernant les décors, la commission extramunicipale émet un avis des plus savoureux, dirons-nous, puisque la commission estime que les décors sont bons pour Lyon ou d'autres villes de province, mais sûrement pas pour Paris ou Saint-Étienne. Donc on va faire des spectacles sans décor. C'est une conception moderne du théâtre. Mais peut-être que c'est aussi une question d'économie. Oui, certainement. Certainement. Et par contre, alors, le théâtre qu'on veut remplacer a brûlé. Est-ce qu'on pense à la sécurité? Ah, tout à fait. Ça, c'est un grand enjeu pour les architectes qui se montrent particulièrement attentifs à la sécurité des spectateurs. Et dans leur rapport, eh bien, ils expliquent que la conception générale du bâtiment sera guidée par le souci de la sécurité des spectateurs et d'un confort maximum. Les strapontins sont prohibés dans les 3 salles. Toutes les prescriptions et règlements d'incendie applicables à la ville de Paris pour les théâtres, salles de spectacle et établissements publics devront être observés. Là encore, l'exemple, oui, c'est Paris. On peut rappeler quand même que le théâtre qui a brûlé, il a brûlé la nuit. Oui. Coup de chance, parce que s'il avait brûlé pendant un spectacle, je crois que ça aurait été très catastrophique. Oui. Ouais. Tout à fait. 10 ans donc après l'incendie du théâtre Massenet, le traumatisme est toujours présent et cette peur de l'incendie demeure et on demande aux architectes d'y être particulièrement attentifs. En ce qui concerne le geste architectural, eh bien, il se veut résolument moderne, mais aussi résolument économique. En effet, les architectes chercheront à donner à l'édifice un caractère moderne. Ils s'abstiendront de toute ornementation superflue et de l'emploi de matériaux coûteux, recherchant seulement le caractère de l'édifice dans ses proportions d'ensemble et dans la parfaite adaptation à sa destination. On peut dire quand même, quand on voit les images, que c'est, et puis quand on pense au spectacle au Palais du Peuple de Villeurbanne, que c'est les débuts du béton armé. Oui, alors j'y viens, puisque en termes de structure, effet, les matériaux simples seront utilisés. Toute l'ossature et la plupart des murs seront construits en béton armé ou éléments de béton armé moulés d'avance, étudiés très soigneusement et très particulièrement pour rester apparent et seulement après décoffrage. L'application de ce principe a pour résultat direct une très grande économie de construction. Toutes les installations particulières et les aménagements intérieurs ont été étudiés dans ce même souci d'économie. Donc finalement, qu'est-ce que nous montre ce projet? C'est qu'on a un projet qui se veut très ambitieux, mais qui est par ailleurs résolument économique. C'est quand même une constante, moi ça me frappe. J'ai lu toutes les délibérations sur la construction de la Bourse du Travail, c'est exactement ça. Aucune ornementation, parce que ça coûte trop cher. C'est venu après que les quelques décors qu'il y a dans la Bourse du Travail sont venus après. Donc là, vraiment, c'est très grande économie de construction, mais la ville est étranglée financièrement, c'est sûr. Malheureusement, là, on n'aura pas le loisir de savoir si les ornementations seraient venues plus tard, puisque ce projet n'aboutira jamais. Il est définitivement abandonné au moment de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il est encore en cours en 1941 et puis on va le laisser tomber. Mais il a, en 1947-1948, les architectes, donc après la guerre, vont réclamer un restant d'honoraires et il y a une délibération dans le conseil municipal de Defraissinet. Où on règle le problème. Alors, tu parles financièrement. Tu parles de Fraissinet. Moi, j'ai lu quelques délibérations un peu plus tardives, bien postérieures à l'après-guerre, puisque Ce sont des délibérations qui envisagent toujours la construction d'une salle de spectacle en septembre 1959. Et c'est évidemment de Fraissinet qui est maire et qui a comme premier adjoint Michel Durafour, qui est alors en charge des affaires culturelles. Donc, voilà, on a toujours un Durafour qui est présent dans ces questions de théâtre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces dossiers? Eh bien, on rappelle que le théâtre Massenet a été détruit il y a plus de 30 ans, que sur les 17 plus grandes villes de France, Saint-Étienne est la seule à ne pas posséder de théâtre. La dépense pour reconstruire un théâtre ne semble pas somptuaire. L'époque a changé. Les problèmes culturels en 59 sont tout de même un peu plus essentiels qu'en 36. Le Front populaire est passé par là. Ouais, il est nécessaire de trouver un emplacement pour ce futur théâtre. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va nommer une commission extra-municipale. Avec des femmes. Avec des femmes, donc l'histoire se répète. Ouais. Il n'en demeure pas moins que pendant une quarantaine d'années, eh bien, Saint-Étienne aurait été une ville sans théâtre, puisque le théâtre municipal ne verra le jour qu'en 68 avec la Maison de la Culture sur la colline. Pas sur la place des Ursules. Voilà, qui domine la ville. On a mis un infâme parking. Tout à fait. Eh bien, très bien. Merci Caroline. Merci Jean-Michel. Merci. Merci. Je vais vous donner une information importante en ce début d'année pour notre association, le Grémos, puisque nous organisons notre Assemblée Générale le jeudi 4 février 2026. Et à cette occasion, nous vous convions à venir donner votre avis et vos suggestions sur notre travail et l'avis de l'association. Et dans un second temps, nous vous proposerons d'assister à la projection du film Ad Alen 31 de Bo Widerberg. Et dans un troisième temps, de partager un moment de convivialité autour d'un buffet. Rendez-vous donc le 4 février à partir de 17h à la Cinémathèque de Saint-Étienne, rue Jogoutbarge. Voilà, je vous remercie encore, Caroline, Jean-Michel. Merci, Karine. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Grémos qui aura lieu mercredi 11 février 2026 à 18h. Cette émission sera consacrée aux caractéristiques de la vie politique stéphanoise et nous recevrons Antoine Vernet, historien et membre du Grémos. Je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.